Tu sais, il reste la dernière fois, c'était « j'ai pas voté pour ça », le slogan des gauchistes. Là, si on additionne libéraux puis caquistes, moi, j'ai presque 3 millions de votes. Ils peuvent toujours bien pas nous ressortir la cassette de « j'ai pas voté pour ça ». Ça, c'est certain qu'ils ressortiront pas la même cassette, mais les mêmes corporatismes vont s'ajouter, par contre. Là. Et il y a 40% de gens qui paient pas d'impôts au Québec. Ah, ouais. Alors, ces gens-là, cette masse-là, acceptera pas des coupures de services, des coupures de prestations très facilement. C'est des gens qui ont rien à perdre. De toute façon, ils n'en paient pas d'impôts comme toi et moi. Alors, ils s'en fichent éperdument. C'est pas leur argent qui sert pour la dispensation des services. Eux, ils payent pas, mais ils reçoivent des services. Alors, ils ont tout avantage à ce qu'il y ait de plus en plus de services et qu'on monte les impôts parce qu'ils payent pas. Voilà, c'est ça. Faisons payer les riches. Alors, ces gens-là vont être dans la rue. Ces gens-là vont se battre. Donc, si l'opposition, ceux qui sont pas d'accord avec le budget, l'État-O, qui est pour l'instant qu'un début, c'est une amorce parce que on l'a bien dit, le gros reste à venir. Ceux qui sont d'accord, ils peuvent-tu faire de quoi? Je lisais ton collègue Richard Martineau qui avait un bon texte. Lui semblait assez optimiste face à ce budget-là. Réaliste, mais il disait au moins un bon pas dans la bonne direction. Mais son point, c'était, justement, les travailleurs, les cols rouges, appelons-les comme on veut. Mm-hmm. Eux autres, ils vont continuer à travailler. Et pendant cette année-là de débat, on pourra pas se manifester. Ben moi, je pense qu'il va falloir qu'il y ait une sorte de mouvement comme vous avez déjà initié au 93, là, tu sais, les cols rouges, et puis vous en avez fait sortir des gens dans la rue aussi. Tu sais, il va falloir qu'il y ait un contrepoids. Il faut absolument qu'il y ait un contrepoids à la gauche syndicale et sociale là, qui va opposer une résistance farouche à toute compression, toute coupure dans les services. Ça, c'est écrit dans le ciel. Ouais, je sais pas quelle forme. Moi, je pense que ça va se manifester à l'automne. Regarde, on arrive à l'été, le budget est débattu, tout ça, tout le monde part en vacances. Mais à l'automne, quand on va tomber dans les négociations, quand on va tomber vraiment dans l'exercice de tu sais, il lance deux grosses commissions, là. Ouais. Une sur la révision des programmes et une autre sur la révision de la fiscalité. C'est certain que les travaux de ces commissions-là vont animer le débat public beaucoup, là. Et si on sait que c'est encore les mêmes personnes, Luc Godbout, M. Montmarquette, qui vont être au cœur de l'opération de révision des programmes, ben on connaît leurs orientations. Ce sont des gens qui vont plutôt vers la droite, heureusement. Alors, c'est sûr que ça va provoquer et les gens vont, les groupes de gauche vont réagir. Il faut qu'il y ait un contrepoids dans la rue. Tu sais, il faut pas que ce soit seulement toujours les syndicalistes et les groupes communautaires qui prennent tout le parquet. Parce que eux autres, on va les voir. C'est sûr qu'on va les voir. C'est certain qu'on va les voir, qu'on va les entendre. Ben oui, puis ils ont toutes les tribunes voulues. Hein. C'est ça. Puis on peut pas leur dire fermez vos yeux. Ça, la liberté d'expression, ça existe. Ces gens-là, l'avantage qu'ils ont, ils ont du temps, ils ont des moyens, ils ont des contacts. On va les voir partout. Ils vont pleurer. Ils vont. Mais maintenant, c'est peut-être à nous justement de dire on va prendre notre place aussi parce que si personne le prend, le couillard a peut-être juste besoin de ça pour franchir l'autre marche d'escalier dont on parlait tantôt, qui est encore plus grosse que celle qu'on vient de franchir. Oui, et moi, j'y crois profondément là, à la théorie du contrepoids. Et moi, j'ai épluché les cahiers des crédits hier, là, ouais. Pour en prévision de ma chronique de ce matin, et j'en ai trouvé du gras. Tu sais, je me suis amusé à prendre l'exemple de Télé-Québec, là, dont le budget va augmenter au cours de la prochaine année. On dit qu'on est au bord de la banqueroute, et puis le budget de Télé-Québec augmente, le budget de l'action culturelle et communications du ministère de la Culture et des Communications augmente aussi, ça c'est le soutien aux artistes, et bon. Alors, tu sais, quand on veut convaincre une population qu'il faut poser des gestes drastiques pour rétablir l'équilibre financier, ben, il faut faire attention aux signaux contradictoires, hein. Ouais, c'est des symboles. Je suis là, c'est pas avec ça que tu vas renflouer la dette, mais si tu dis aux employés du secteur public, il y en a plein qui nous écoutent, là. Ce sera pas facile, là. Tu dis aux fonctionnaires, mettons, vous allez avoir moins de 1% d'augmentation, mais on a encore assez d'argent pour donner 200 000 à Normand Brathwaite pour aller faire des stepettes à Belle et Bomme. C'est un drôle de message. C'est ça. Et c'est un des reproches que je fais, à M. Létao, c'est qu'il envoie des messages contradictoires. Son discours théorique, me rejoint totalement. Mais quand tu épluches le cahier des crédits, tu te rends compte que finalement, là, on a beaucoup, beaucoup reconduit le budget de Nicolas Marceau. La majorité des ministères n'ont aucune coupure, ils ont une légère augmentation. Alors, qu'on vienne pas me raconter qu'il y aura des services aux citoyens qui seront affectés beaucoup, puis que, tu sais, regarde, là. Il n'y aura pas de crise tout de suite, mais à l'automne et le prochain budget, ça va être à surveiller. Jacques Sanson, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Merci, bonne journée. Bonne journée. Chroniqueur Journal de Québec, Jacques Sanson écrit encore du gras. Il est d'accord avec le discours des libéraux. Il y a des bonnes choses dans ce budget-là, mais la grosse étape est encore à franchir à l'automne. Là, ça fait deux avec qui je parle, Joanne Marcotte, Jacques Sanson, qui me disent, il va falloir avec la droite, les gens qui veulent justement qu'il y ait un ménage, qu'on est écœuré, on ne veut plus payer. C'est à l'État à faire les sacrifices, à serrer la ceinture. Nous, on est pognés ici. Il va falloir que ces gens-là descendent dans la rue aussi, là. Alors, je me pose des questions. Pour l'automne. Qui descendent dans la rue, oui, ou qui continuent à parler comme Alain Bouchard. Vous êtes pas tanné d'être sur le BS? Notre chanson, on va la jouer tantôt. On va comme jouer notre chanson tantôt encore. Louis Audet de Cogeco, qui a publié une lettre ouverte. Faut que les gens d'affaires, là, les créateurs de richesses au Québec, faut qu'ils parlent, là. Tu sais, le collègue de Jacques, Richard Martineau, décrivait une situation que je veux pas vivre au mois de septembre, octobre. Il disait, le travailleur, là, moi je l'appelle le col rouge, va être chez eux, il va ouvrir sa télé. Le gouvernement va essayer de faire le ménage dans l'État pour une fois, donc il donnait raison. Mais là, il va voir les boss de syndicats, ils vont voir les gauchistes dans la rue, il va voir les tartistes, ils vont tout être là, ils vont occuper toute la place pour dire à Couillard, coupe pas, monte les impôts, fais payer le peuple. Regarde, Jacques parlait du 40% qui paye pas d'impôts. Tout ce monde-là va demander à Couillard de ne pas toucher au modèle québécois. C'est important. Ils pourront pas dire « j'ai pas voté pour ça ». Ils vont trouver autre chose. Ils vont en avoir un slogan. Ça va être « mange de la merde » peut-être. Je sais pas. Il va avoir de quoi, là. Nous, est-ce qu'on fait de quoi? 670-9330, studio en commercial FM 93. Sortir les balais? Point com, j'aimerais ça. Ben, exemple, je pense que la FM 93 a fait des bons moves dans le passé. L'opération Ballet avec Gilles Parent, la commission Bouchard-Parent. Rappelez-vous les poches vides, les centaines de paires de culottes, les poches vides qu'on a plantées à l'Assemblée nationale, les 50 000 cols rouges dans la rue. Est-ce que ça a été des succès? Moi, je pense encore que oui, même si à l'époque, on nous a pas donné raison sur tout. Je me compte pas d'illusions, mais nous avons démontré notre force. Je maintiens mon point. On a démontré à l'époque qu'on était capable de descendre, de se mobiliser. Ça a fait du bien. On n'a rien gagné dans l'immédiat. Mais là, le contexte, c'est bon. Le budget, est à haut. D'un point de vue col rouge, me satisfait pas à 100%. Je suis d'accord avec plusieurs points de Jacques. Mais c'est le meilleur qu'on n'a pas eu depuis 10 ans. C'est le meilleur qu'on n'a pas eu comme col rouge depuis 10 ans. Mais là, l'autre step s'en vient à l'automne. On prépare tout de quoi? On a du temps, là. Ce sera peut-être pas une marche dans la rue. Ça peut être autre chose, là. J'ai aucune idée, là. 670-9330. Studio à commercial FM93.com. J'aimerais ça vous entendre. J'aimerais ça. Je sais pas si sur le budget, hier, les gens ont eu le temps de s'exprimer parce que je sais que Moncton a pris toute la place. Là, c'est comme c'est pas un budget, je pense, qui a révolté. Il y a pas des gens qui sont fâchés. C'est pas non plus victoire, les deux masses en l'air, me sens pas de même un matin, yes, on a gagné. Tu sais, ils ont coupé, non. Les gars, les gens le disent. Télé-Québec, il reste encore des vaches sacrées, il reste encore des... Mais plusieurs personnes pensent, Sylvain, qu'il y a une job d'éducation à faire aussi. Que les gens comprennent, ça serait quoi l'impact d'une décote? Qu'on est peut-être mieux de faire les coupures nous-mêmes, de choisir là où on coupe, plutôt que de se les faire imposer. Parce que là, notre fameux modèle québécois, là, il va être floché si la décote arrive. OK. Moi ça vous entendre un peu, moi allez voir mon téléphone, ça sonne-tu un peu? Oui. J'ai pas grand-chose de concret à vous offrir ce matin. On laisse passer la parade. C'est encore le temps, on l'a fait. N'as-tu que son âge? Je sais pas ce que vous avez dans ta gabouche, on l'a fait à l'époque. Ça va-tu? J'ai l'impression qu'on aura un automne chaud. Écoutez-moi bien, là. Je fais une prédiction. Je suis pas le seul à le penser, là. On va avoir un automne chaud. Les gauchistes vont se mobiliser comme jamais. Qu'est-ce que les gens qui sont plus à droite peuvent faire? Pierre, bon matin. Oui, Sylvain. Pierre. Oui. Moi, qu'est-ce que je déplore là-dedans suite au budget? C'est la non-volonté des libéraux. Tant qu'ils étaient à l'opposition, ils ont chialé la taxe scolaire qu'on était pour être remboursé, tout ça. Puis, j'en garde cette semaine, hier soir, Bolduc, qui dit il est impuissant devant les commissions scolaires. Je peux te dire, Sylvain, là, c'est facile, un gouvernement, d'hausser la boisson, d'hausser les cigarettes. Mais ils ont de la misère à faire le ménage dans leurs poubelles, dans leurs cours, dans leurs maisons. Tant qu'ils font un taxer la classe ouvrière, des commissaires d'école à 10-12 000 par année, deux réunions par année, Et là, le gras, faut qu'il coupe des commissions scolaires, des structures. Il y en a encore. Faut pas qu'il lâche. Je suis d'accord avec toi. Fait qu'on fait quoi? On redescend-tu dans la rue? On fait un mouvement? On essaie? Oui. Moi, je parle beaucoup avec des gens, là. Ouais. Les gens, là, commencent à avoir plein de culottes. Ils sont tannés. On est intaxés pis imposés, mais ils ont pas le courage de couper dans les structures. C'est, tu sais, il y a un vieux sage qui dit dans la vie, 40 % de 100 000 ou 10 % d'un million, qu'est-ce qui est mieux? Ils font un cas aussi, qu'est-ce que les gens consomment, mais s'ils en garderaient chaque département qu'ils ont dans leur structure... Il y aurait plus de gras à aller chercher là, puis plus de millions, puis d'argent, que dans les poches des gens. Je suis d'accord avec toi, Pierre, je veux là, prendre... Là, des fonctionnaires qui prennent leur retraite, on lui donne un fonds de pension à 52, 53 ans, après ça, on lui offre un contrat d'un an à 3 ans à 25, 28 piastres de l'heure. Hey, au fédéral, tu travailles dans la fonction fédérale, tu prends ta retraite, ta rente au fédéral et retiennent ta pension. Pourquoi au Québec, on n'est pas capable de faire ça? Bon point, Pierre. Il y en a plein de bons. Mais sais-tu quoi? J'ai déjà un feeling que ça va être... On va aller jaser avec Sébastien. Ça va être plus dur de mobiliser les gens à l'école rouge à l'automne. Parce que là, on a un budget qui, grosso modo, fait un petit peu notre affaire. On veut qu'il y ait encore plus loin. Les gens, ils se mobilisent quand ils sont fâchés. Je sais pas si tu comprends. Quand, ils le sont pas encore quand assez, les, là. Quand les libéraux ont annoncé la hausse de la TVQ, puis des hausses partout, quand on est descendu 50 000 dans la rue, les gens étaient fâchés. Parce qu'il y avait eu un budget où ils venaient fouiller dans nos poches. Là, il faudrait descendre dans la rue, ça serait stratégique pour essayer de montrer que la droite est là, qu'il faut continuer à couper dans l'État, mais on n'a pas le même sentiment de révolte parce qu'on a un gouvernement qui, somme toute, semble être à l'écoute. Mais moi, je fais... Mais je me souviens pas du contexte, Sylvain, pour vrai, de la Le budget? C'était après le budget? C'est de ça dont je me rappelle pas. Je me souviens très bien de la commission Bouchard-Parent. Puis tu sais, tu passais des tunes, voyage, puis Molly, Pink Floyd, puis tout ça. Ça, je me rappelle de ça. La marche des cols rouges, c'est le budget. C'est le budget Bachand, où il augmentait la TVQ. Le budget, la finalité, c'est d'être heureux. Ouais. Honnêtement, là, c'est un budget où, garde, il faisait aucun effort au gouvernement. Il en promettait, mais bullshit. Il a rien coupé. Il prenait tout l'argent dans nos poches. Là, on est descendu 50 000 dans la rue. Là, c'est un budget pas pire. Il va pas assez loin, mais il est dans la bonne direction. Mais c'est quand même, stratégiquement, ça serait important de montrer notre force, parce que à l'automne, les gauchistes vont la prendre, la rue. Mais c'est jamais facile, en partant, de mobiliser des gens qui travaillent. Ils ont pas le temps. S'ils sont pas fâchés, je sais pas. On va aller rejoindre Sébastien, voir qu'est-ce qu'il en pense. Salut! Ouais, salut Sylvain. Je vous écoute. Oui, ben regarde, 8 % moi, celle-là, je la prends surtout pour celle-là, du 8 % des taxes scolaires, là, avec 26 commissions scolaires qui m'ont profité, là, ça, là, celle-là, pas mal. Avec les artistes que j'ai compris à travers ça, là, vraiment, là, je pense que c'est un budget avec la poudre aux yeux à travers ça. Non, c'est pas un budget parfait, mais avoue que les coupures qui sont annoncées au gouvernement sont majeures. Au moins, ils viennent jouer dans nos poches. Pas en train de le perdre, Sébastien. Je sais ce qu'il fait, c'est pour ça, là, il travaille, là. C'est un vrai col rouge. Ouais. Tu vois, lui, il a pas le temps d'aller manifester un matin, là. Et quand même, j'ai dit à midi, on s'en va devant le Parlement, à l'Assemblée nationale, comme l'autre jour, il était 15 000 fonctionnaires. Si je dis à Sébastien, on s'en va devant le Parlement, il va dire, moi, c'est pas que je travaille. C'est toujours ça, la difficulté. Martin, salut. Salut. Je vous écoute. Les commissaires scolaires, enfin, les commissaires, sont élus. Oui. Bon, puis il y a combien de personnes qui votent pour ça? Moins d'1%, je pense. Ouais, c'est quasiment juste la famille des commissaires. Ouais. Bon, ben si on se mettait en gang, puis qu'au lieu d'aller manifester dans la rue, on se faisait des partis pour aller, pour se faire élire, ben ça serait facile de prendre le pouvoir, parce qu'ils sont tellement pas beaucoup. Ça fait qu'on prend le pouvoir, puis on les sac à terre. Commission scolaire, ça, j'ai déjà rêvé à ça. Je sais qu'on s'est planté quand on a voulu nous envoyer au Parlement à l'Assemblée nationale. Bon, ça n'a pas marché, même si les sondages nous donnaient victorieux. Bon, vous savez ce qui est arrivé, on ne fera pas le passer. Commission scolaire, c'est prenable. C'est très prenable. Ben oui, il n'y a personne qui vote. Tu te formes un petit parti, tu dis nous autres. On va faire tes assemblées? Ben oui, mais c'est légal. On passe le mot, puis go. En plus, on connaît la date, tout. Fait que, tu sais, pas besoin de manifester pour ça. C'est quand la prochaine? Ben, je sais pas, moi. Ouais, faudrait checker. Checker, Martin. Merci d'avoir appelé. On va checker ça. 8h28. Garde, écrivez-moi. Studio en commercial, fm93.com. Premier budget des libéraux. Mais le gros test s'en vient à l'automne. Est-ce qu'on regarde passer à parade ou on fait de quoi? Oui, Catherine. Oui. Pardon, je vais juste te dire un courriel qu'on a reçu, OK? Vas-y. Il y en a un qui dit, écoute, je suis un peu d'accord. C'est Martin qui nous écrit. Faudrait peut-être que les stations de radio se parlent puis se mobilisent. Qu'on laisse de côté nos partisaneries, un peu sur le même principe que tu as dit, si les stations de télé acceptaient de s'appeler, puis les différents médias, on arrête de diffuser la photo de Justin Bourque. Et si là, les stations de radio et les autres médias se mobilisaient, ben là, les, bon, peut-être pas les stations de télé, là, mais si les stations de radio mettaient de côté leur partisanerie puis qu'on travaillait tout le monde dans le même sens. Mais moi, à date, chaque fois qu'on a fait des choses ici à la radio, ça n'a pas fonctionné. C'était plus l'inverse. Ils ont plus parlé en mal. Moi, j'ai jamais parlé les autres qui ont fait des initiatives. Quand j'étais d'accord avec ça, tu les laisses aller, même que tu les félicites, puis tu dis quelques bons mots, puis sans dire que tu pousses, là. C'est sûr qu'à un moment donné, c'est des concurrents, mais tu descends pas. Mais moi, des affaires que j'ai sorties ici, on a plus été descendus. Pas par tout le monde, là, mais par certains. Fait que ce que j'y crois à ça, on peut le souhaiter, je suis pas du tout contre le principe, mais bon, faut pas se faire d'illusions. 8h30.